Bonjour à tous et bienvenue dans Movies Nerd, le podcast des nerds cinéphiles, l'émission mensuelle où l'on discute cinéma entre passionnés. Vous êtes à l'écoute de l'épisode 14, enregistré le 3 avril 2015. Je suis Axel, votre hôte, durant ce podcast, mais bien sûr je ne suis pas tout seul à la présentation, car je suis toujours accompagné de mes co-hôtes habituels, avec tout d'abord Quentin. Salut, ça va ? Salut, ça va. Ok, et puis avec nous on a aussi Eddy, ça va ? Bah oui, salut à tous. Ah oui, et donc, on m'a fait, enfin juste comme ça, hein, je fais un petit aparté. Ouais. Qu'il faudra pas que tu coupes, c'est important. Parce qu'en fait, on m'a rappelé, et c'est vrai que c'est important, on m'a fait un retour sur le dernier podcast, et j'ai dit salut à vous. Ah. Et en fait, on m'a dit, bah ouais, mais avant le podcast, vous vous parlez, vous vous concertez, donc oui. Puis ça fait un peu bizarre. Ouais, quand je dis salut à vous, c'est à vous les auditeurs. Évidemment que nous, avant, on se parle un petit peu. Oui. Donc voilà, c'est pour ça. Mais on est poli, on vous dit bonjour voilà, en fait. Ouais. Donc voilà, c'était juste ça. Ok, donc. Nous ne sommes pas schizophrènes, hein, tout va bien. Non. Au dernier rapport, ça va. On a tous été chez le médecin. Non, tout va bien. Donc salut à vous, les auditeurs. Normalement, on aurait dû avoir un troisième co-hôte qui a rejoint l'équipe Movies Nerd. Bon, vous le connaissez déjà sûrement. C'est Morgan de Cinémaniac, donc qui était là durant le dernier podcast et qui était là encore avant. Il a rejoint définitivement l'équipe du podcast, mais ce soir il est un peu malade, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Et vous allez sûrement l'entendre le mois prochain pour le podcast numéro 15. Donc... Parce qu'en fait, ça, il voulait pas. Moi, je pense que c'est qu'il voulait pas se payer ma recommandation plus recommandable. Ouais, ben il va quand même. Le mois prochain, il va être obligé. J'ai un peu peur. Il va quand même se la payer. Hein. Bah, du coup, oui, et vu qu'il est là, il devra quand même. Donc, voilà. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars, qu'il fut riche en cinéma, pardon. Il y avait le printemps du cinéma. Oui, si vous avez vu cette magnifique pub avec le casting. Ouais, de... pas vraiment envie. Voilà, je crois qu'on n'a pas très envie de s'en souvenir. C'est insupportable cette chanson. Nous, c'est au reste dans ma tête. Elle est pire que celle des enfoirés. Elle est horrible. Bref, quoi que. entre les deux, ouais, c'est sûr que. Ouais, voilà. Donc, je voulais juste annoncer encore une petite chose avant de passer au sommaire de l'émission. Si vous êtes passé sur le site moviesnerd.net, ce mois-ci, vous l'aurez sûrement remarqué. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Nous sommes passés à la deuxième version du site. J'ai bossé dessus pendant à peu près 2 semaines et j'espère qu'elle vous plaît. Et si vous avez le moindre suggestion ou remarque à propos du site et de ces nouvelles versions, n'hésitez pas à me les notifier dans les commentaires. Je les lirai avec attention. Maintenant que tout cela est dit, on va passer au sommaire de cet épisode 14 du podcast Movies Nerd. On va commencer avec le vidéoclub Movies Nerd où on va parler Deadwood. Nous aurons ensuite nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes comme d'habitude. Le film du mois, ce mois-ci, on a décidé de vous parler de Big Eyes. Et puis la dernière rubrique, c'est la recommandation pas très recommandable. Donc Quentin nous avait recommandé de voir Brick Mansion. Du coup, on l'a vu et on va vous en parler. Et Eddy nous proposera. Eddy a adoré. Ouais, ça c'est pas aussi sûr que. Eddy va te tuer. Eddy va surtout proposer un film pour le mois prochain qu'on va devoir voir. Voilà. Ouais. Ah, ça, oui, ça. Rassure-toi. Donc, si personne n'a rien à rajouter, on est donc parti pour la première rubrique. Donc Quentin nous a quitté pour cette rubrique et il nous quittera aussi pour le film du mois puisqu'il n'a pas vu les films, honte sur lui, mais voilà, c'est comme ça, il n'a pas eu trop eu le temps. Donc on va vous parler avec Eddy du film Ed Wood de Tim Burton, sorti en 94 aux États-Unis, en 95 en France. Le scénario est de Scott Alexander et de Larry Karaszewski. Et donc, on retrouve dans les rôles principaux Johnny Depp, Martin Lando, Patricia Arquette, Sarah Jessica Parker, Bill Murray, Jeffrey Jones et après... Vincent D'Onofrio, voilà. Il y a pas mal Ouais, d'acteurs qui sont. il y Ouais, a un joli il y a un très bon casting. casting. Voilà. Déjà, c'est un bon point du film. Juliette Lando aussi, qui a certainement, je connais pas, mais qui a certainement un lien de parenté avec Ouais, oui, Marthe. qui est la fille Qui de. est la fille de Ouais, Marthe, c'est ça. d'accord. Bon, ben voilà, j'apprends quelque chose. Ouais, c'était son premier film dans lequel il avait tourné, donc voilà. D'accord, bon, c'est bien. Donc voilà, si tu veux commencer à parler du film. Bah en fait, bah je l'ai pas revu avant le podcast parce que, enfin, j'ai vu tous les films de Tim Burton, donc du coup, celui-là, je l'avais évidemment vu. Donc je l'ai pas revu avant le podcast parce que j'en avais quand même quelques souvenirs. En fait, je me rends compte que c'est plus ou moins vague, mais que voilà, je vais pouvoir en parler quand même. Moi, c'est un film que j'avais beaucoup aimé parce que c'était du Tim Burton, mais particulier. On était moins dans son univers fantasmagorique. Torturé, poésie morbide et tout ça. C'est à la fois un film qui est très différent de ce qu'il a fait, mais en même temps qui s'en rapproche par certains aspects en fait. Et c'est pour ça c'est un film très touchant, je trouve. Oui, ça c'est. Ce qui me plaît en fait dans ce film, c'est l'hommage en quelque sorte qui est rendu à Ed Wood. Et c'est ce que je trouve très beau parce que c'était un réalisateur très médiocre, Ed Wood. Et Tim Burton, il le stigmatise pas et il Non, lui il le rend. juge pas, en fait. En fait, c'était. En fait, parce que Ed Wood, Pour rappeler, ouais, de la c'est. manière dont il nous est décrit, en fait, dans le film, c'est que c'était un piètre réalisateur, mais un passionné, par contre. Et en fait, Tim Burton joue vraiment là-dessus et il délivre avec Johnny Depp, du coup, un personnage très touchant et très fort aussi. Enfin, complètement dévoué à son art. Et voilà, moi, ça m'a vraiment plu. Je trouve ça très beau. Donc, Johnny Depp, oui, très excellent. Donc, il me semble que c'est le film qui vient juste après Édouard aux mains d'argent. Edward, ouais. Donc, là, Johnny Depp, oui, avec son visage qu'il avait à l'époque très, très expressif, vraiment dans l'émotion. Mais pas forcément dans l'Actor Studio non plus, quoi. Ça reste. Ça triche pas, c'est vivant, quoi. C'est assez viscéral, je trouve, ce qu'il dégage. Ensuite, en termes de réalisation, moi, je trouve le film visuellement très joli. C'est Magnifique. un noir et blanc que Burton maîtrise très très bien, qu'on retrouvait dans son Frankenweenie, son court métrage. Son court métrage dans les années 80, j'ai 80, plus les dates de Frankenweenie. Donc ça, c'est d'ailleurs, il est disponible sur YouTube pour ceux que ça intéresse, qui est très bien. Et du coup, on retrouve ce même noir et blanc aussi dans le Frankenweenie, mais le film sorti en Ouais, 2012, 2012. qui est vraiment très très joli en termes de photographie. Le film est très très beau. Donc cette ambiance un peu loufoque, bercée dans ce noir et blanc comme ça, c'est très très burtonien et en même temps, tu sens qu'il fait autre chose, il essaie. La mise en scène, et qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle souvent le film dans le film, parce qu'on est sur les plateaux de tournage, ça se paraît, c'est très plaisant. Moi j'aime toujours voir ça au cinéma. Et puis, oui, l'humour, quoi. Il y a toujours beaucoup d'humour, un peu macabre et tout ça. Qui sied parfaitement au personnage. On est dans de l'hommage, mais pas de l'hommage où tu pleures à chaudes larmes, quoi. C'est de l'hommage burtonien. C'est décomplexé. Et c'est ce qui fonctionne très bien. Et je trouve que vraiment le film se vaut bien. Il y a des bonnes idées. Et puis c'est assez culotté quand même de faire un film aussi tendre et touchant sur un réalisateur qui était somme toute très un peu à l'ouest, quoi. Hein, voilà. Bon, moi, je vais faire assez vite parce qu'en fait, c'est un de mes films préférés de tous les temps, ce Ah film. Donc, oui, carrément. c'est mon Burton préféré. D'accord. Tim Burton nous embarque dans la vie du déclaré comme plus mauvais réalisateur de tous les temps, Ouais. Edward G. Wood Jr., alors qu'il cherche à percer dans l'industrie cinématographique. On le suit à travers la réalisation de trois films, Glenn or Glenda, un film sur un homme qui aime se travestir, ensuite La fiancée du monstre, puis son œuvre maîtresse, comme connue pour être le pire film de tous les temps, Plan 9 from Outer Space. Donc, je pense que Brick Mansion le dépasse, mais voilà, on va pas, on va pas s'attacher là-dessus. Voilà, ça c'est l'histoire de base. Donc, on a un Johnny Depp très attachant et brillant dans le film qui ressemble pas à ses autres rôles chez Burton. Qui, complètement habité, voilà, je trouve. Ouais. Martin Lando qui dépeint parfaitement le célèbre Bela Lugosi. Excellent. Mais d'ailleurs, il a reçu un Oscar, donc là, c'est pas pour rien, cet Oscar. Ah oui, non, c'est une excellente c'est une performance de fou, parce qu'on s'y tromperait quand même. Alors, je vais vous conseiller un petit truc juste avant de continuer ma critique, c'est d'aller voir sur YouTube, il y a des gens qui ont fait une comparaison entre le film Ed Wood et les films qui tournaient, enfin les vrais films d'Ed Wood. Et du coup, on voit plan par plan les scènes qui ont été reconstituées dans le film, et c'est vraiment super maîtrisé et super respectueux du travail original, en fait. Donc voilà, ça, si vous avez le temps, regardez-le, c'est assez sympa. Donc Bela Lugosi, on le connaît pour avoir joué dans, enfin avoir interprété Dracula de Bram Stoker, Todd Browning, pardon. Voilà. Sur sa fin de carrière, qui était accro à la morphine et has been dans le Hollywood des années 50. Et il y a aussi Sarah Jessica Parker, je n'aime pas trop comme actrice en général, mais ici ça passe parce que elle joue une actrice qui surjoue, donc c'est pas trop dur pour elle. Elle a quand même... Ça lui va plutôt bien. Moi après, c'est une actrice que j'aime bien, je la trouve sympathique, mais, mais... Oui, je comprends qu'elle puisse laisser. Elle a quand même ses très bons moments assez marquants dans le film. D'ailleurs, enfin les moments où elle pète les plombs. Je la trouve bien chez Burton. Bill Murray qui est hilarant, en grande folle un peu cliché, par moment, mais très attachant. Dommage qu'on ne voit pas assez. J'aurais voulu le voir un peu plus dans le film. Bill Murray, on le voit jamais assez en fait, je pense. C'est ça. Le film aurait dû être à propos de lui. Ou... on retrouve aussi la sublime Patricia Arquette, donc Boyhood, voilà, s'il y a que la cité. Pas très longtemps à l'écran. Boyhood et puis Medium, quand même, la série était pas mal du tout, je trouve. Mais je l'ai jamais vu, donc. J'ai vu deux, trois épisodes. J'en garde un bon souvenir. Donc voilà, elle n'est pas très longtemps à l'écran, mais elle délivre une performance assez mémorable. Et juste comme ça, elle a un lien avec Courtney Cox Arquette ou pas du tout? Moi, j'en sais rien du tout là. Non, je sais pas. C'est une question que tu vois, ça me vient comme ça. Je n'en ai aucune idée. Bon, je vais pas chercher maintenant parce que sinon je vais passer. voilà, je vais. Le film est dans un noir et blanc sublime, on l'a dit. La maîtrise technique de Burton dans ce film tient du génie. Chaque plan est sublime et retranscrit de nombreuses émotions grâce à des contrastes et jeux de lumière inspirés, imaginatifs. J'ai deux scènes en exemple de mémorable pour moi, une des plus grandes scènes du film. C'est Bela Lugosi qui chez lui devient fou et qui a un flingue dans les mains. Burton fait des contre-plongées dantesques avec un éclairage réglé au millimètre près, et cette scène m'a vraiment marqué. Il y a aussi la super scène dans le bar où il rencontre Orson Welles. Alors ça c'est juste exceptionnel. Je sais pas si c'est vraiment arrivé, j'ai pas fait mes recherches sur Ed Wood. C'est toute la scène avec Vampira et tout ça là. Non, où il rencontre Orson Welles, tu sais, quand il est tout seul dans le bar. Ah oui, exact, d'accord, ça y est, c'est bon. Déjà, l'acteur, c'est Vincent D'Onofrio. D'Onofrio, ouais. Qui, il ressemble vraiment physiquement. Le Orson Welles jeune, quoi. Et donc, c'est vraiment. Je sais pas si c'est vraiment arrivé, s'il a vraiment rencontré Orson Welles dans sa vie, Ed Wood, mais je trouve que la confrontation est juste super bien trouvée, en fait, puisque Orson Welles est quand même connu pour être le meilleur réalisateur de tous les temps. Publiquement est reconnu comme étant le plus grand réalisateur de tous les temps, et son Citizen Kane est quand même reconnu pour être le plus grand film de tous les temps aussi. Donc. Mettre ces deux-là en comparaison, Ed Wood, le plus mauvais réalisateur de tous les temps, avec Orson Welles, j'ai trouvé ça super. Il y a un côté très burlesque. Voilà, c'est ça. Et en plus, le pire, c'est que la contre-plongée sur Ed Wood, quand il arrive vers Orson Welles, le rend supérieur à Welles, ce qui est encore plus ironique, en fait, puisqu'il est normalement plus mauvais réalisateur que lui. Mais là, le film, comme il se concentre sur lui, on le met une contre-plongée sur Ed Wood pour le rendre plus puissant par rapport à Wells. Donc voilà. Il y a aussi la blague des robes rouges et vertes. Ça m'a fait rire parce que, en fait, le mec, le chef opérateur dans le film dit, enfin non, la nana demande si il préfère la rouge ou la verte, celle qui passe mieux à l'écran. Et lui, il dit qu'il est daltonien. Il dit, je préfère celle qui est un peu plus noire que l'autre. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé super marrant la blague sur le fait que le film soit en noir et blanc. J'adore ça. Donc. L'histoire est magnifique, le sujet principal, c'est. Enfin, moi, ça me touche particulièrement. C'est. Même si tu penses vraiment que ce que tu fais est bon, il y a toujours un risque que tu sois complètement faux sur toute la ligne et que tu. Enfin, voilà. Moi, ça me parle beaucoup, ce sujet, en tant que petit créateur. Hein, c'est pas, enfin, je fais pas de grandes choses non plus, mais voilà. C'est toujours la peur du créateur face au public qui va le recevoir. Voilà. Ensuite, il y a la passion du cinéma qui emplit le personnage d'Ed Wood. Il y a de l'empathie pour le personnage. Ils sont vraiment merveilleusement bien écrits et développés. Ils sont très attachants. C'est une véritable comédie dramatique qui enchaîne à merveille entre les deux. On passe du rire aux larmes. C'est une tragique comédie. Telle la vie d'Ed Wood, en fait. Les sous-textes sont assez intéressants. Les dictats de la société, de ce qui est considéré comme normal. Aussi, puisque Ed Wood était connu pour se travestir en femme, et d'ailleurs il a revendiqué avoir porté des sous-vêtements de femme pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, le travestissement vu par Hollywood et la société des années 50, la drogue aussi, les addictions, les cures de désintox qui commençaient à peine à apparaître à cette époque-là. Les paparazzis aussi, le financement de films, qui est aussi super intéressant. Il est obligé de se soumettre on en parlait justement le mois dernier avec Jupiter Ascending. Je trouve que le film représente parfaitement le système des studios de production, les concessions d'un créateur, enfin, c'est un producteur. Au final, Donc, quand on y pense, il y a un vrai effet miroir en fait mmh. Ouais. entre ce que représente le film et Ouais. ce qui se vit beaucoup aujourd'hui en fait. Mmh. Donc voilà, je trouve ces sous-textes super intéressants. Ensuite, il y a la musique qui est splendide et magnifique de Howard Shore. Oui, pas Ambiance. Danny Elfman, hein. C'est Donc, vrai. ambiance super 50s de films de science-fiction, de slash monstres de cette époque, qui retranscrit à la perfection surtout la scène d'intro, qui est un hommage total à tous ces films, en fait, en passant par. En fait, il passe par tous ces films entre les tombes qui présentent les noms des acteurs. Bon, le générique dure bien 5 minutes, mais là, on s'ennuie pas comparé à West Side Story. Donc voilà. Oui, c'est autre chose, ouais. Donc, une minutie, un souci du détail impressionnant dans l'utilisation de cette soundtrack durant toute la durée du film. Je vous conseille énormément, c'est un de mes films préférés tous les temps. Je suis très content d'avoir pu en parler un peu plus en détail. Et c'est toujours avec immense plaisir que je le revois. Et je le reverrai sûrement plein de fois encore. Voilà. Donc. Bah je vais dire un peu la même chose que je dirais pour Big Eyes, mais c'est vrai que si vous faites partie de ceux qui ont vu quelques films de Tim Burton et vous trouvez qu'ils racontent souvent la même chose dans des univers très similaires, bah regardez Ed Wood et regardez Big Eyes aussi du coup, parce que c'est vraiment des... Voilà, il fait autre chose et il le fait bien aussi. Ouais, voilà. Donc voilà, si t'as rien à rajouter, on va Ah non, non, passer. non, Ouais. c'est vraiment un film à découvrir et quand on est cinéphile, c'est vrai qu'on l'apprécie pas de la même manière non plus parce que du coup, on s'attache vachement plus à regarder les détails et c'est un film qui est vraiment très riche sur ce point-là. Ouais, Donc, justement, c'est ça en fait, que c'est ça fourmille de détails. assez. C'est ça, c'est assez savoureux, disons. Donc voilà, allez le voir si vous ne l'avez toujours pas vu, et allez le revoir si vous l'avez déjà vu. Donc nous, on va passer au coup de cœur, coup de gueule et découverte. On est donc à la rubrique nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Cette fois-ci, j'ai décidé de commencer parce que j'ai pas grand-chose à dire sur le film en fait. Mais c'était une découverte pour ma part. C'était le grand classique des années 50, West Side Story. Donc c'est un film musical réalisé par Jerome Robbins et Robert Wise, sorti en 1961 d'ailleurs, pas en 1950. Le synopsis c'est enfin un synopsis entre guillemets hein, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important dans le film. À New York dans les années 50, deux gangs de rue rivaux, les Jets, américains d'origine polonaise, irlandaise et italien, et les Sharks, immigrés d'origine portoricaine, font la loi dans le quartier ouest. Ils se provoquent et s'affrontent à l'occasion. Tony, ancien chef des Jets, qui a maintenant pris ses distances avec le gang, et Maria, la sœur du chef des Sharks, tombe amoureux, mais le couple doit subir les forces opposées de leurs clans respectifs. Voilà. Donc c'est Roméo et Juliette, voilà, chez ça. Chez les mafieux, quoi. Donc tu viens de spoiler mon truc, mais c'est pas grave. Bah, non, mais c'est enfin, ouais, oui. J'allais dire Roméo et Juliette. C'est ça, en fait. Mmh. Oui, voilà. C'est un Roméo et Juliette moderne. Mmh. Donc, mon ressenti face au. Enfin, pourquoi j'ai voulu voir ce film déjà à la base, c'est parce que déjà pour ma culture personnelle, et puis j'avais envie de. Enfin, je l'avais en DVD depuis longtemps et j'avais envie de le découvrir puisque on m'en parlait souvent comme le film qui avait redéfini le film musical, les comédies musicales. Donc, les comédies musicales, c'est une relation haine-amour entre elle et moi puisque il y en a certaines que j'adore et certaines que je ne peux pas supporter. Donc voilà, je vais pas donner de titre maintenant parce que sinon on va en parler pendant des heures, mais donc celui-là je peux pas dire que j'ai pas aimé. Il y a quand même quelques bonnes chansons comme par exemple celle avec Maria et l'autre là, je sais même plus comment il s'appelle. C'est le film t'a marqué. Ouais, il m'a vraiment marqué, tu sais. Voilà, Tony. Et du coup, quelques bonnes chansons. D'ailleurs, j'en écoute encore quelques-unes, mais c'est quand même assez rare. Mais il y en a deux, trois qui m'ont marqué. Pas assez, à mon avis. Il n'y a pas assez de bonnes chansons. Il y en a beaucoup qui sont mal interprétées ou soit vraiment très ridicules. Les acteurs principaux sont assez convaincants, mais il y a plein d'autres acteurs secondaires qui cabotinent et qui sont vraiment ridicules. C'est peut-être une différence générationnelle, en fait, je pense, parce que c'est vraiment les acteurs clichés des années 50-60. Pourtant, j'aime bien William Shatner, connu pour être le plus grand cabotineur dans Star Trek, mais là, c'est trop pour moi. C'est vraiment trop pour moi. Et le problème aussi, c'est que malgré que différentes scènes de danse soient superbement chorégraphiées et que la mise en scène est assez impressionnante par moments, les scènes de combat, j'utilise les guillemets ici, sont vraiment ridicules involontairement. Bien sûr, c'est vraiment des combats en forme de danse. J'ai pas vu le film, mais c'est, étant donné le thème, c'est peut-être pour coller à un certain côté burlesque, non ? Ah non, c'est sérieux. Enfin, c'est censé être pris au sérieux. Ok, d'accord. Bon. Donc voilà. Au début, par exemple, on les voit claquer des doigts pendant 5 minutes dans la rue. Comme ça. Mm-hmm. En pensant être menaçant, j'imagine. Mais enfin, voilà. À mon avis, il ne ferait pas de mal à une mouche dans la vraie vie, mais voilà. Mm-hmm. Du coup, je rigolais vraiment face à ces scènes qui étaient involontairement marrantes. Tu ricanais, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, le deuxième problème, c'est que c'est vraiment trop long. Ça dure à peu près 2h10. 2h32, j'ai sur Sens Critique. Ah, ok. Voilà. Attention, monsieur à Sens Critique. Ah oui, non, mais c'est... Voilà. Donc, je m'informe, je me nourris, j'enrichis ma culture. On va pas me le reprocher, quand même. Non, mais c'est bien que tu rappelles, parce que moi, j'avais pas la durée exacte, donc voilà. Mais c'est définitivement trop long pour moi, hein, de toute façon. 2h32, donc... C'est la musique. Je me suis vraiment ennuyé à certains moments. D'ailleurs, le réalisateur Robert Wise, qui a entre autres réalisé Chantons sous la pluie, que je n'ai toujours pas vu, mais qui a aussi réalisé le premier film Star Trek, qui est connu pour être le film le plus ennuyeux que j'ai jamais vu. Pourtant, j'adore la franchise, mais le film Star Trek des années 70, je parle, pas celui de J.J. Abrams, mais. Qui était vraiment très très ennuyeux. Pourtant, je suis un fan de la franchise, donc voilà, il a réussi à m'ennuyer devant un truc que j'adore. Et du coup, ben là, ça se ressent aussi, la longueur et sa réalisation trop Enfin, c'est très très classique et très, enfin c'est mal géré, je trouve. Les enjeux de l'histoire sont pas convaincants. Donc j'avais dit Roméo et Juliette moderne. J'y ai vraiment pas cru. La résolution, bien que triste, est prévisible à 3000 km. Malgré ces quelques défauts, il reste quand même des choses à sauver. Surtout l'analyse et la réflexion sur la société américaine des années 50-60. Le rapport de cette société avec les minorités et la vision de l'American Dream, le rêve américain, finalement pas si réel que ça, vu par ces minorités. Pour finir, je vais juste parler rapidement du générique de début. Alors, je vais mettre ça dans les liens du podcast parce qu'il faut absolument que vous voyez ça. J'ai vraiment cru qu'il y avait un problème avec mon DVD parce que on commence avec 5 minutes d'un fond rouge, bleu, enfin qui change toutes les 10 secondes à peu près, des rouges, bleus, verts très vifs et avec des barres, des traits noir sur toute la longueur de l'écran, et il y a juste de la musique qui passe pendant 5 minutes, il n'y a rien qui bouge. Et Oh du mon coup, Dieu. voilà, même si la musique était belle, le générique dure quand même 5 minutes, donc je pensais avoir vraiment un problème avec mon DVD, donc j'ai avancé, et puis d'un coup je vois que ça passe à un truc, donc je me suis dit. Et alors je suis allé voir sur YouTube si c'était vraiment ce générique-là, s'il n'y avait pas eu un problème avec ce. Moi, ça me fait penser à la première fois où j'ai vu 2001, l'Odyssée de l'espace, et Oui, qu'au début, t'as juste de la musique sur un fond noir, et voilà, je c'est pensais que ça. ça buguait. Et en fait, non, c'est volontaire. Ouais, donc voilà, ça c'est juste assez hallucinant. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous l'ai mis dans les liens du podcast, donc allez voir, parce que. Enfin voilà. Bref, c'était une découverte assez intéressante pour la culture personnelle, hilarant à voir pour ces scènes de combat. Je le conseille quand même, mais je ne pense pas le revoir. Par contre, j'écoute encore certaines de ses chansons qui sont plutôt pas mal. Voilà, c'était ma critique assez rapide de West Side Story. J'espère que j'en ai pas trop offensé ceux qui adorent le film, mais voilà, c'était définitivement pas pour moi. Maintenant, on va passer à la critique de Eddie sur Cendrillon. Ah oui, mais d'accord. Donc, Bah, moi j'ai oui, je rien pensais d'autre qu'on à faisait l'autre ajouter. avant, mais c'est pas grave, on va faire Cendrillon. Ouais. On y va quand même. Donc, du coup, bah, Cendrillon, réalisé par Kenneth Branagh, ou Branagh, je ne sais plus comment on dit. Branagh? Ouais, Branagh, ouais, je crois. Ouais, c'est pas un ça. pied. C'est pour Vous grave, savez qui Cendrillon. c'est, vous savez qui c'est. Il a réalisé Et Thor, de... le premier, enfin Gilderoy Lockhart. très mal réalisé Thor, le premier, je Oui, voulais dire. Gilderoy Lockhart, c'est vrai, dans Harry Potter. Et la chambre des secrets. Oui. Et du coup, c'est comme tu dis, celui qui a fait Thor et qui a fait Thor le film, vous savez, qui est tout le temps penché en Ouais, fait à voilà. l'image. Ouais. Les Ouais. Dutch Angles, comme on dit, c'est vraiment son fort apparemment, parce que Ouais, mais c'est. c'est pas le cas dans Cendrillon, bizarrement. Mais pourtant, il est connu pour avoir fait des films shakespeariens, donc. Ouais, bah il est plutôt à l'aise avec le film d'époque, j'ai l'impression, parce que là il fait un film qui est quand même assez bon. Après c'est très particulier, je pense qu'il faut adhérer, mais visuellement moi c'est un film qui m'a plu, avec un petit côté kitsch, juste assumé comme il faut. Bah malheureusement c'est un peu tout ce qu'il y a quoi. Alors c'est très joli, c'est très mignon, Juste une petite mais est-ce que ça reprend directement enfin la trame des Alors deux j'allais Cendrillons? y venir, Ouais. c'est vraiment une version live en fait du conte, et c'est vraiment une version live surtout du dessin animé de chez Disney en fait. Au point que on a les petites souris, on a Gus Gus et compagnie, donc c'est vraiment les personnages qu'on a dans le dessin animé. Et il me semble qu'à certains moments elle parle, mais c'est très furtif en fait. Mais il me semble que les petites souris parlent. On a le chat Lucifer aussi, le chat de la marâtre. Donc voilà, on est un peu dans cet univers-là. C'est un film, bon, j'ai pas détesté, mais voilà quoi, c'est pas. Depuis quelque temps, enfin voilà, Disney et puis les films nous habituent tellement à des trucs qui ont des thématiques fortes et qui proposent des vrais discours, même si je sais que vous n'êtes pas d'accord sur Maléfique, mais pour moi il y avait quand même un vrai discours derrière. Ici c'est pas le cas quoi, c'est que. C'est vrai que ça fait plusieurs films qui nous vendent des filles, des femmes fortes et des trucs où ils sont aux antipodes de ce qu'ils faisaient avant. Là, Cendrillon, c'est la même cruche Ouais. c'est la même cruche que dans le dessin animé, quoi. Donc, elle ne rêve que de son prince elle se bat pour son prince. Ouais, tout ce que je déteste, quoi, donc c'est bien. Voilà. C'est bien que je ne sois pas allé voir, tu vois. Donc ça, c'est ces thématiques-là, c'est la femme des années 50. C'est un petit peu dommage de voir ça aujourd'hui. Ouais. Même sur Cendrillon, je pense qu'on pouvait s'attendre à autre chose. Il y avait. Ouais, il y a quelque chose à tenter, là. Ouais, il y avait d'autres chemins à prendre. On peut en faire une héroïne un peu neuneux, enfin neuneux, un peu, pardon, je suis méchant dans mes termes, dans mes adjectifs. Mais non, mais on peut en faire une héroïne un peu fleur bleue et tout ça, mais tout en lui conférant quand même un côté femme moderne, quoi, qui va de l'avant et qui, parce que là, bah ouais, elle tombe amoureuse de son prince tout de suite. Enfin, c'est vraiment ça. Ouais, donc. Comment? Dans il était une fois avec le personnage de Gisèle, enfin, qui à la base est un peu cruche, mais après qui devient. Ouais, mais du coup, dans Il était une fois, au début, évidemment, c'est volontaire parce que le film est très parodique. Ouais, quand même. Oui, bah oui. Et c'est ce qui le rend très appréciable d'ailleurs, je trouve. Mais du coup, là, on est vraiment dans un conte de fées, et je pense que la seule ambition du film, c'est ça, c'est de nous faire une version live en fait du dessin animé. Donc bon, si on accepte ça, on apprécie le film, évidemment, parce qu'après, y a quand même des bonnes choses à ce niveau-là, mais sinon, c'est vrai que si on s'attend à avoir une surprise, une relecture un peu comme nous le proposait Maléfique, par exemple, oui, forcément, là, on est déçu. Ouais. Et moi, je m'attendais plus à ça, en fait. Donc j'ai été déçu. Ouais, sinon, mais attends, en voyant la bande-annonce, quand même, c'était assez transparent. Ouais, moi quand je voyais la bande-annonce de Maléfique, je m'attendais à un film sur la méchante et je m'attendais pas à la tournure que le film prendrait, ouais. En fait. Donc comme quoi on peut être surpris quand même. Ouais. Et ici du coup c'est pas le cas, quoi. C'est mignonnet mais ça s'arrête là. Par contre, un truc que j'ai apprécié dans le fait que ça soit une transposition live du dessin animé, c'est qu'il y a des scènes assez cultes dans le dessin animé qui sont reprises dans le film, et ça c'est très sympa. Toute la scène avec la chanson magique là, la Bibidi Bob Bidi Bou, avec avec Marraine la Bonne Fée, qui est incarnée par Helena Bonham Carter et qui apparemment s'amuse beaucoup, donc ça fait plaisir de la voir autrement que chez Tim Burton. Cette scène-là est reprise, elle est aussi féerique que dans le dessin animé. Et pareil, la scène des 12 coups de minuit avec le soulier et le carrosse qui se transforme, enfin, le sortilège qui commence à se rompre petit à petit, ça c'est pareil, c'est plutôt bien amené, c'est bien fait aussi dans la mise en scène. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui valent un peu le coup d'œil, mais bon, de là à aller le voir en salle pour ça, voilà. Si on veut un truc hyper féerique. Pour pas se prendre la tête et que on est client de ce genre de truc, pourquoi pas, mais si on veut quelque chose d'un peu plus surprenant et un peu plus ambitieux, c'est pas vraiment la peine d'y aller, quoi. Ouais. Et ensuite, le casting, Richard Madden en prince, il est bien loin de son Robb Stark de Game of Thrones, hein, ça c'est sûr. Ensuite, Cate Blanchett en marâtre, par contre, c'est génial. L'actrice, elle s'éclate, mais vraiment, je la trouve. Elle a un rôle hyper caricatural, mais elle est vraiment très très bien. Hayley Atwell, qui joue la mère de Cendrillon, et c'est celle qui jouait. Elle jouait dans Captain America aussi, cette actrice. Ouais, c'est une carte. Voilà, et du coup, elle joue une maman aimante, mais très cucu aussi. Hein. Puis le père de Cendrillon, c'est un peu le même truc. Et du coup, Cendrillon elle-même, Lily James, qui a été révélée, je crois, par Fast and Furious. La pauvre. du coup, elle est très jolie, mais. Elle est très jolie, elle n'est pas excessivement douée non plus, et elle peut avoir à limite un certain charisme, mais pas pour une Cendrillon, quoi. Elle n'est pas. Je trouve qu'elle n'a pas le visage angélique que devrait avoir une Cendrillon. Enfin, s'ils veulent vraiment faire une transposition du dessin animé, dans le dessin animé, elle est blonde. Dans le dessin animé, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle a les joues roses. Lily James, elle est limite avec le teint mat, elle a les yeux marrons et c'est une fausse blonde. Donc, il y a quand même un truc qui se fait pas. Voilà, moi je trouve que ça correspond pas, même si j'ai rien contre l'actrice, elle est scalée, quoi. Donc voilà, Cendrillon, c'est pas. Bof, ouais, quoi. Moi je suis pas. Non, je vais le conseiller à ceux qui veulent un truc hyper féerique et puis qui ne cherchent vraiment que ça. Par contre, les autres qui s'attendent à quelque chose d'un peu plus ambitieux, non, n'y allez pas. Ok. Voilà. Donc voilà. Quant à ta. Donc tu l'as pas vu, donc t'as rien à rajouter. Non. Ok, d'accord. Donc maintenant je vais vous laisser parler tous les deux. Enfin, d'abord Quentin va vous présenter un peu le film. Donc Divergente 2, Insurrection, je crois. L'insurrection. L'insurrection, désolé, je ne connais pas le film autant que toi. Donc je vais te laisser en parler. Donc, Divergent 2 de Robert Schwenke, où il nous est narré dans ce... avec une super accent allemand. Donc, il nous est narré dans ce film la suite la suite des aventures de Triss, toujours accompagnée de son petit ami 4, avec qui elle tentera de soulever les factions contre celles des Uri. Attends, je vais faire une blague à la Morgane. Triss de son nom de famille, T. Non, mais. Voilà. Bon, Voilà. Tu m'as coupé dans mon élan, déjà que c'est pas facile. Juste pour ça, hein, ça valait le coup. Hein. Ouais. Bon. Je suis sûr que Morgane, dans son lit quelque part, il est en train de rigoler là. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Ouais, sûrement. Ouais. Voilà. Donc, avec qui elle tentera de soulever les factions qu'on possède des hérésies, alors qu'une mystérieuse boîte est découverte par ces derniers, réalisant que son contenu pourrait bien bouleverser l'équilibre des forces du système mis en place. Donc, au casting, on retrouve toujours dans le rôle de la jeune héroïne l'étoile montante Shailene Woodley, Ouais. qui avait brillé Joli. sous la caméra de, de Greg Araki pour Whitebird en octobre dernier, Ouais. et qui s'avère, oui, et qui s'avère toujours aussi juste et attachante dans ce deuxième opus de la saga, de nouveau secondé par un Theo James assez cabotin quant à lui, mais faisant plutôt bien le boulot. Donc, toujours au casting, on retrouve aussi Kate Winslet, donc qui interprète l'antagoniste de cette quadrilogie, et donc qui est franchement génial. Voilà, dans le rôle de Jenny, je trouve qu'elle est vraiment On superbe. la voit rarement dans cette posture-là, hein, Kate Winslet. Ouais. Voilà, et enfin, là, je trouve que c'est un personnage en plus vachement complexe. Enfin, ouais, voilà, c'est vraiment une bonne méchante. Et on compte parmi les petits nouveaux les présences bienvenues de Naomi Watts et Octavia Spencer, qui servent un peu à rien, mais qui sont, voilà, sont quand même très très bien. Et donc, Alors, t'as fini avec le casting, hein, parce que le reste. donc, oui, bon, après le reste, il n'y a pas grand chose à dire. C'est ça. Donc, si, voilà, donc, le film a été un petit peu une déception pour moi, voilà, un grand fan des livres, mais Donc, tu les as tous lus, là. Enfin, tu Ouais, les as. j'ai lu les trois livres, et franchement. Ce sera une trilogie, hein. Une quadrilogie. Enfin, Bien ça va sûr. être en deux. Ouais, Ça va être en deux parties, ce sera une mais tétralogie parce qu'ils vont le couper en deux, ouais, de toute façon. En Logiquement. fait, ouais, logiquement, oui. la Logiquement, mais logique hollywoodienne, tu sais. comme le film marche pas, pas aussi bien qu'il peut penser, il pense faire le dernier en trois. Enfin, un seul film, finalement. Donc, ce Ah serait oui. pas si mal. Bah, Ce serait ce pas si serait mal, bien. quelque part. Ouais, voilà, ce Ouais, serait bien. ce serait C'est pas mal, ouais. parce que j'en ai un peu marre de cette mode. Ouais, Ah oui, mais à c'est. mon avis, elle est pas prête de s'arrêter, Ouais. hein. Mais surtout, non, mais surtout qu'il n'y a pas matière, en fait, avec le troisième livre. Franchement, il n'y a pas du tout matière à faire deux Oui, films. parce que les films restent assez simples quand même, donc Ouais, bah j'imagine que surtout le. Bah, les livres sont vachement bons en plus. Hein, le film s'en éloigne vachement. Enfin, c'est pas du tout. C'est pas vraiment la même trame, quoi. Enfin, je sais que t'as pas lu les livres, Ouais, mais j'ai lu les. que ouais, apparemment il y avait des divergences entre les. Bon, pas faire de mauvais jeu de mots. Ah non, pardon, alors c'était complètement. Non, non, par contre, non. C'est vrai que mais, du coup, c'est bien amené. Mais je fais jamais ça. Mais du coup, oui, j'ai lu qu'il y avait des divergences entre les livres et les films, apparemment. Ouais, beaucoup. Et franchement, le film, c'est juste du fan service pour les spectateurs qui ont lu les livres, quoi. Parce que t'as plein de personnages qui sont pas du tout développés, qui étaient dans les livres. Et si t'as pas lu les livres, tu sais pas qui c'est. Enfin, c'est comme la blonde bon, bah là, je spoil un peu, mais qui se balance de la tour, là. Il sort son prénom comme ça, il est censé savoir qui c'est. D'accord. Elle est vachement approfondie dans les livres. Là, elle a aucun intérêt, quoi, pour le. Si ce n'est de mourir, voilà, c'est la blonde qui meurt, voilà, c'est ça que retiendront les spectateurs. Et Voilà, il y a plein de personnages. c'est pas Naomi Watts, hein, parce que dedans elle est brune, donc. Ouais, voilà. Mais oui, d'ailleurs, quand ça lui va pas très bien. C'était L'instant mode. l'argument Christina Cordula de Quentin. Non, oui, voilà. Alors, oui, voilà. Non, mais non, tu après as le. perturbé là. Vas-y, sors-le, Quentin. Hein, Non, je suis très facilement perturbable. Après, l'autre question qu'on se pose, c'est pourquoi prendre Robert Schwenke déjà? Alors que c'est vraiment un véritable tâcheron. C'est pas du tout un bon réalisateur. Il a quand même réalisé des bons gros navets, comme R.I.P.I.D. Brigade Oh. Fantôme, avec l'autre nom Non. Ryan Reynolds. Ça pourrait être une recommandation peu recommandable. Ouais, Ça mais. pourrait, ça pourrait. Non, Oui, mais tout là. à fait même. J'ai plus envie de le revoir, celui-là. C'est une torture. Ah, je l'ai Et jamais vu. donc, mes limites Divergente 2, je. J'aime tellement chez Inoudi que voilà, elles se débrouillent vachement bien dans le film. Même si son personnage est assez simpliste, enfin, enfin, pour tout un ensemble de choses, je peux pas détester le film, mais quelque part, je le mettrais franchement la limite de sa place dans mon flop de l'année parce que j'ai tellement été déçu sur plein de points. Alors, j'attendais beaucoup le film, hein. J'ai beaucoup aimé le premier, j'ai vraiment accroché. Je trouve qu'il gagne quand même le capital sympathique qu'avait le premier opus dans celui-là, mais tout en perdant en approfondissement au niveau des personnages, enfin. Il y a beaucoup de scènes d'action complètement inutiles, les effets spéciaux sont pas tout le temps très très beaux, enfin c'est très kitsch. Ça prend ses inspirations au côté de Matrix et autres films de SF sans spécialement les égaler, Ouais. hein. Ça n'en est pas non Ouais, plus, mais bon. c'est un petit côté comme ça, ouais. Et donc c'est pas, voilà, en plus ça va jamais jusqu'au bout de ses idées. Je trouve qu'il y a franchement un sentiment d'inachevé par rapport au premier qui, je trouve, était très complet. Il y avait vraiment un début et une fin dans le premier. Là ici, bon c'est très bon, il y avait vraiment une volonté de faire moins long parce que je sais qu'il y avait eu beaucoup de Puis bah, retours qui cette disaient que espèce de c'est, cliffhanger à la fin. oui voilà, un peu pourri quoi, enfin c'est vraiment très, en plus ça fait très très série B, je trouve, enfin, c'est Ouais, un peu, avec ouais. le générique un peu, enfin Pire un peu que la sombre qui a rien à voir avec... Cliffhanger, il est quand c'est même pire que la désolation de Smaug. ah ouais Ouais, ah la désolation de Smaug, moi j'avais trouvé ça classe, ouais enfin enfin la désolation de Smaug. ouais c'est Bah c'est classe, mais c'est frustrant en fait dans Smaug. De ce que frustrant, mais dans là, non, Divergente 2, c'est juste inutile. c'est risible en fait. Oui, voilà, c'est ça, c'est ta même pas envie. Ça fait C'est vraiment, vomir. c'est limite, il t'aurait pas, tu sais, la bulle de BD, paf, Cliffhanger. T'sais, Voilà, c'est ça. ça fait un peu ça Venez en fait. redonner votre argent l'année prochaine. C'est ça, voilà, et puis c'est pour donner une pseudo-importance au personnage de Naomi Watts qui servait à rien pendant Qui les trois servait quarts du à rien, film. bah, en fait, il justifie sa présence C'est. c'est trop. Voilà, c'est ça, par seulement ça, et puis, bon, quand même, les dialogues sont assez pourrins, quoi. Quand Théo James se lève et dit je suis 4, je m'appelle, putain, non, mais. Voilà, Ouais, quoi, non, enfin, bah. c'est tout des. Voilà, franchement, c'est très très kitsch, c'est très. Ça veut. Ouais, non, ça bronche, ça a aucune personnalité. Là, Hunger Games se trouve vraiment la sienne petit à petit. Là, autant le premier, franchement, enfin, on reconnaissait des personnages assez. Bah voilà, ça s'insultait entre eux, alors que dans Hunger Games, t'as pas ça. C'était un peu plus. Je sais pas, Ouais, il y avait. tu parles des dialogues, moi j'en ai quand même, enfin j'en ai un qui m'a, j'ai quand même bien aimé, c'est au tout début du film, c'est bah, tout le discours de Kate Winslet. Ouais, ça commence, le film commence très bien d'ailleurs. Enfin, il commence par Ken Winslet, ne peut être que bien, Ouais, ça commence mais. pas mal. C'est lorsque l'on représente la dernière des civilisations, la paix est une obligation. Je trouve que ça, c'est une phrase qui a pas, enfin, faut pas la prendre à la légère, quoi. Il y a vraiment des choses intéressantes, je trouve. Par contre, petite chose à noter, j'ai un peu raté le début parce que mes lunettes 3D ne marchaient Ah, pas. tu l'as vu en 3D. Ah oui, d'accord. Donc ça m'a un peu foiré le début aussi, mais bon, T'avais c'est vrai une que des. paire de lunettes 3D qui marchait pas dans la salle, elle était pour Quentin. Et ouais, parce que je me suis pas de bol. Mais non, c'est franchement le film que j'attends depuis un bon moment, donc il m'a bien foiré. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film après ça, donc je peux prendre ça en compte aussi. Mais ouais, au-delà de ça, franchement, je trouve que le film va pas du tout au bout de ses idées. Enfin, t'as. Enfin voilà, y a. Enfin, j'ai franchement été quand même Déçu, déçu. ouais, t'as été assez déçu. Eddie, t'as quelque chose à rajouter par rapport Bah oui, un au... Ouais, petit peu. vas-y. Bah du coup, si je devais parler des thématiques, par exemple, parce qu'en fait, moi, le premier, j'avais bien aimé, mais voilà quoi. J'attendais pas le deuxième. J'ai été le voir parce que j'ai une amie qui voulait le voir. Donc je l'ai accompagné et en fait, bah j'aurais peut-être été le voir quand même, mais c'était pas ma priorité. Et du coup, voilà, j'y ai été pour ça. Donc je l'attendais pas des masses. Et en fait, si je vais parler des thématiques, par exemple, bah, y a tout le truc sur le renversement du pouvoir qui pourrait être intéressant, mais comme le dit Quentin, qui n'est pas mené au bout. Il y a les choix du personnage de Triss aussi qui sont, bah, qui sont Parce qu'on sent effleurés, mais qu'elle c'est est tout. torturée. On sent que c'est un personnage qui est vachement torturé, mais qui est pas, voilà, dans le sens, l'action Oui, va c'est tellement ça. vite, elle s'arrête, l'action s'arrête, moi, ce qu'il y a, c'est, je reproche au film qu'il y ait trop d'action, enfin, ça s'arrête pas sur ses personnages, en fait. En fait, il est Les beaucoup personnages. moins, il est peut-être beaucoup moins intimiste que pouvait l'être le premier, Voilà, c'est ça. concernant les personnages. C'est ce qui m'a gêné. Par contre, moi, c'est vrai qu'il y a quand même un truc qui m'a plu, c'est toute l'aura féministe qu'il peut y avoir dans le film. On nous présente une héroïne qui est badass et tout, qui castagne bien la jante masculine. C'est vrai que c'est. En fait, je trouve que c'est tellement rare que ça mérite d'être souligné, quoi. Mais ça justifie pas le film, je suis bien d'accord. Je sais pas, ça transparaissait pas en tout cas dans la bande-annonce. Ben, dans le film, ça Bon, ressort. les personnages sont bien badass. C'est vraiment une histoire de femme, New Orleans. Enfin, ça tourne vraiment autour de Naomi Watts, Kate Winslet et Shane. L'héroïne est une femme, bien sûr, bravo Eddie. Donc le personnage principal, c'est une femme. La grande méchante, c'est une femme. Celle qui pourrait devenir un autre personnage fort, donc Naomi Watts, c'est une femme. Dernière nouvelle, c'est une femme, ça l'a toujours été. On va pas commencer à lancer des rumeurs parce que là. Peut-être que dans le troisième, c'est le père de Kat, finalement. On ne savait pas. Et pareil, en général, les chefs de faction sont des femmes. Donc, en ça, oui, c'est un film assez féministe, bon, qui n'est pas forcément toujours très, très adroit, mais voilà. Donc, moi, ça m'a plutôt plu, mais c'est vraiment histoire de dire qu'il y a quelque chose qui m'est plu. Concernant le casting, bon, bah, je trouve que Shailene Woodley, évidemment, son potentiel, il est là. Parce qu'elle est l'actrice qu'elle est, de toute façon. Même si je la trouve un peu bridée, en fait. Elle essaie bien de faire passer un peu d'émotion, mais je pense que c'est que. J'ai l'impression qu'elle croit moins en son personnage que dans le premier. Elle est très mal dirigée aussi. Ouais, je pense qu'il y a. C'est un peu ça le souci. Bon, évidemment, il y a l'amourette complètement. Ouais. Ça, c'est un peu relou. Avec 4, Théo James, parce que voilà. Si on devait parler des actrices, alors Kate Winslet en méchante, bon, ça marche très bien. C'est pas son meilleur rôle, mais ça passe bien. Elle s'amuse là-dedans, donc ça, c'est appréciable. Naomi Watts, ça sert pas à grand-chose, mais elle est pas ridicule non plus. Shailene Woodley, bon, ben, elle est l'actrice qu'elle est. Moi, j'aime beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi, je la trouve très bien. Pas forcément ici, mais plus dans d'autres films où je l'ai vue. Même dans Nos Étoiles Contraires, ça va vous faire plaisir. Mais après, voilà, Zoé Kravitz, elle sert à rien. Zoé Kravitz ne sert à rien. Théo James, qui avait potentiellement une once de charisme dans le premier, alors ici, il est complètement. Il fait vraiment neuneux, je trouve, ce mec. Alors, en plus, il a pas un physique qui l'aide beaucoup, je trouve, question charisme. Ansel Elgort. Alors là, j'ai pas compris ce qui se passait. Ce que lui d'habitude que je trouve très bien aussi, bah là, voilà, il est hyper effacé. Et puis alors, Miles Teller qui jouait dans, bah dans, qui joue dans Whiplash et puis qui Ah joue ouais, aussi il est dedans? dans, ouais, et Attends, qui joue ah oui, c'est vrai, je vais vous dans, appeler. ah merde, dans C'est celui que tu veux que l'animation je voie, Quentin, et que j'ai pas encore The vu. Spectacular Spectacular Now, Now. Voilà, c'est ça. Donc moi, je l'ai vu que dans Whiplash, bon, où il est quand même ouais. assez Un peu mal, ouais. impressionnant. Mais là, il joue la. Enfin, c'est la tête à claque, quoi. T'as envie de lui foutre des baffes. Donc, est-ce que c'est vraiment une mauvaise direction d'acteur? Je pense. Parce que c'est pas des mauvais acteurs à la base. Bon, Théo James, non. Là, non, non, non. Mais voilà, pour moi, il y a un problème à ce niveau-là. Puis ensuite, après, je trouve qu'en termes de réalisation, c'est vraiment plan-plan, quoi. C'est bah, la mise en scène, ouais, bon, c'est des gros effets spéciaux. La caméra est pas hyper intuitive non plus, inventive, pardon. Puis c'est que ça fait vachement Reddit du premier, quand même. Enfin, au niveau de l'histoire et tout, ça fait vraiment réchauffer. Enfin, ça n'avance pas. Enfin, il n'y a pas énormément de. Les enjeux sont vachement moindres, je trouve. Et puis voilà, en termes d'ambiance, bon, évidemment, ça se voit un peu plus épique, mais ça marche qu'à moitié. Par contre, il y a un point qui m'a plu en termes de réalisation, c'est la violence à l'écran. Ah, je pensais pas Parce t'entendre dire que. ça un jour. Ouais, non, mais en fait, ça s'adresse aux Ouais. ados. Et c'est vrai que les amis. Enfin, c'est de la violence, mais c'est la violence qui reste quand même acceptable, hein. Voilà, c'est pas l'ultra-violence, c'est de la violence. Ouais, Et je c'est vois tes vrai. passages. Je vois Et quelques en vagues fait, de c'est tes vrai passages. que bah, ce que je reproche par exemple à Hunger Games, c'est de pas être assez cru. Alors que ce qui nous est raconté est quand même très Ouais. dur. par instant. Et en fait, c'est ce que je reproche à Hunger Games, c'est que son sujet est dur, mais il va pas au bout. Dans le premier, surtout. Alors que là, il y a quand même des scènes. Je suis surpris que les Américains aient pas mis une interdiction plus haute que ça. Enfin, je sais même pas s'il y a une interdiction. Ouais, parce que il y a des scènes où quand même on menace une fillette. Et il y a un moment, on finit quand même par croire qu'elle va se prendre une balle dans la tête, la gamine. Bah, donc, non, elle se la prend pas. Mais bah non, elle se la prend pas, Quentin. Ah, je m'en souviens un peu. Mais ce qui m'a choqué surtout, c'est le passage où Ansel Elgort se met à tabasser. Enfin, bah, ouais, non, alors il y a ça, il y a la meuf qui se balance du toit. Enfin, c'est des trucs, je me dis, dans un film. Évidemment, dit comme ça choque pas, mais pour un film américain qui s'adresse aux ados, c'est assez surprenant. Ouais, ouais. Et ça mérite d'être souligné parce que c'est très rare. Donc, le premier aussi, hein. Oui, ah, mais j'ai moins de souvenirs du premier, du coup. C'est ce qui m'avait plu dans le premier, en fait. À l'heure actuelle. Donc voilà, moi, c'est ça. Sinon, bah, sans plus, quoi. C'est vraiment... j'ai pas détesté, je lui ai mis 6. J'ai peut-être été un peu généreux, c'est vrai. Mais, ouais, je suis pas... c'est très vite oubliable, hein, franchement. Ouais. Ah, voilà. C'est pas du tout accrocheur comme de série, j'ai mis en fait. Un film qui se laisse suivre sans trop de déplaisir, mais qui sera sûrement vite oublié jusqu'à ce que sorte le prochain, quoi. En fait, le prochain va nous rappeler qu'il y en a eu un avant. Ouais. Et c'est un peu ce que ça m'a fait, en fait, celui-ci. Je me suis rappelé qu'il y avait l'autre avant et que j'avais vu, et du coup, je pouvais voir celui-là. Mais c'est vrai que c'est pas marquant, quoi. Voilà. Bon, moi, ça me donne toujours pas envie de le voir, donc. Mais autant, c'est vrai que même moi, je t'encourageais à voir Hunger Games alors que j'étais pas fan. Mais là, franchement. Non, mais moi, dès la bande-annonce, je savais que c'était pas pour moi, donc. Ouais. Voilà. Mais si vous voulez des avis plus construits que ça, vous avez toujours les critiques des deux films par Eddie et par Quentin sur le site. Donc allez voir ça si ça vous intéresse de savoir ce qu'ils en pensent plus en profondeur sur le film. Et puis mais du coup deux avis assez nuancés finalement donc voilà. Ouais. Du coup voilà on va passer tout de suite au film du mois qui est Big Eyes. Putain, et je suis plus enthousiaste que Quentin sur un film pour ados. C'est rare. C'est que c'est attention, faut le noter ça. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. On est donc à la rubrique du film du mois. Ce mois-ci, on a décidé de vous parler de Big Eyes, le dernier film de Tim Burton. Quentin nous a quitté, comme je vous l'avais annoncé. Mais ne vous inquiétez pas, on le retrouve dans la recommandation, pas très recommandable, voilà. Donc, c'est un film de Tim Burton sorti en 2014 aux États-Unis et en 2015. En France, le 18 mars 2015, pour être précis. Il a pour acteurs principaux Amy Adams, Christoph Waltz, Kristen Ritter, Jason Schwartzman, Danny Huston, Terence Stamp et John Polito. Et après... voilà, il y a aussi c'est à peu près tout. Ouais, ouais, en plus enfin les acteurs vraiment principaux du film, c'est quand même Amy Adams et Christoph Waltz. Le couple, voilà, c'est vraiment le couple principal du film. Kristen Ritter qu'on a vu dans dans la série Breaking Bad, évidemment. Oui, ouais, voilà. Veronica Mars, Confession d'une accro, shopping, tout ça. C'est une actrice sympathique qui n'a pas eu de. On la voit pas très souvent à l'écran non plus. On la voit pas très souvent, mais c'est vrai que lui. Moi je trouve qu'elle est. Elle apporte quelque chose d'assez frais en fait. Ouais, quand elle Donc voilà. Si tu veux commencer, ou alors je commence comme tu veux. Oh, je m'en fiche, j'ai pas d'importance. D'accord. Bon, comme t'as commencé pour Ed Wood, je vais commencer pour celui-là. Oui, voilà. Donc j'ai vraiment apprécié le film, j'explique un peu la relation que j'ai avec Burton depuis ces dernières années. J'étais vraiment fan de lui, toute sa période années 90 jusqu'à La Planète des Singes, où pour moi c'était la période où il a vraiment... la cassure. Ensuite il a eu un petit sursaut avec Big Fish, qui est qui a des problèmes, mais qui est extrêmement sympathique et charmant. Donc, Ah, c'est un petit peu son Forrest Gump, quoi. voilà, c'est ça. Et ensuite, c'était vraiment la descente jusqu'au fond du trou. Donc, pour moi, le fond du trou, c'est Alice au Pays des Merveilles en Ah oui, 2010. oui, oui, oui, Là, oui. c'était vraiment, enfin, c'était insupportable à Moi, regarder. j'ai beaucoup aimé, Charlie et la chocolaterie. Ouais, je sais que il y a pas beaucoup de monde, enfin, qui Ben en ressent fait, la même j'ai chose, l'impression mais que soit les gens adorent ce film, soit les gens le détestent, en ouais, fait. voilà. Et moi, je le trouve absolument Non, mais génial. je peux comprendre que tu puisses aimer, mais Ah ben enfin, pour moi, voilà. enfin, et Morgan est du même avis d'ailleurs, Ouais. c'est vraiment une critique de la pédophilie, quoi. C'est Ouais, non, une mais. grosse métaphore de ça. Hein. Et les Noces Funèbres, pareil, j'aime beaucoup. Je trouve ça très, très poétique, très joli. D'accord. Bon, je suis pas du même avis, mais voilà. On va pas discuter de Tim Burton parce que sinon, on va en avoir pour Bah des lui, heures. il fait pareil, c'est le genre de réalisateur Ouais. qui mériterait bien un podcast, quoi, mais bon. Ensuite, Dark Shadow, que j'ai trouvé assez mauvais et sans inspiration en 2012. Peu. Puis, tel le monstre de Frankenstein, il reçoit un éclair de génie et se réveille de sa torpeur pour donc pondre une petite merveille d'animation qui est Ah Frankenweenie. oui, ouais. Pas un chef-d'œuvre, mais je retrouvais le Burton que j'aimais. Ah Donc, oui, ouais. naturellement, j'attendais impatiemment Big Eyes, son prochain film, pour voir si le réveil du créateur était à la hauteur de mes espérances. Donc, oui, j'ai vraiment adoré le film. Plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est pas un biopic académique. On voyait déjà ça pour Ed Wood, mais s'il peut nous pondre des biopics comme ça tout le temps, moi je les prends sans problème parce que j'en ai vraiment ras-le-bol de voir les films, enfin, des films entre guillemets tirés d'une histoire vraie, inspirés de faits réels, qui sont vraiment tire-larmes et pathos à mort et qui sont vraiment nazes et plats et il n'en ressort vraiment rien d'original. Alors qui tel Ed Wood, même si je préfère quand même Ed Wood à celui-ci, Burton tire son épingle du jeu en nous sortant un biopic vraiment inédit, avec de superbes idées de mise en scène, que ce soit avec les décors, la photographie ou la colométrie, on a l'impression d'être projeté dans un tableau qui prendrait vie devant nos yeux. Et juste pour la mise en scène, le film mérite un coup d'œil, à Et mon avis. la bande-annonce ne vend pas bien le film. Hein. Non, non, non. Enfin, Faut pas s'arrêter à la j'étais bande-annonce. assez impatient de voir le film, même si la bande-annonce m'avait un peu refroidi. Donc voilà, j'ai vraiment pas été déçu sur ce point. Burton maîtrise toujours super bien sa caméra. Même ses films pour moi les plus mauvais, il a toujours un petit truc. Il a toujours une maîtrise technique qui est. Bah, il peut pas la perdre, donc Ah même ouais non, si. il a des, son Donc sens de la voilà. mise en scène, il est là quoi. C'est bon, dans la liste, ça se voyait pas, c'est vrai. Non. C'était les Bon, plans à la Space Mountain voilà. pour la 3D quoi. Ensuite, les acteurs sont vraiment fabuleux. J'ai eu la chance de le voir en VO, donc ça, je suis Et pas vraiment moi, très par content. contre. Christoph Waltz est spectaculaire comme à son habitude, avec des notions de subtilité dans son jeu qui sont juste jubilatoires à regarder. Il a toujours son petit accent allemand là qui est juste génial. Amy Adams, je me souvenais pas du tout de cette actrice, j'avais aucune idée dans quoi elle Ah avait bon? joué. Donc, ouais, non, mais je savais Ah plus oui, du c'est tout qui bizarre quand c'était. même parce que là, elle est quand même en vogue, j'ai Donc, envie justement, après, j'ai cherché sur son Wikipédia et je me suis rendu compte qu'elle avait joué Lois Lane dans Man of Steel, de qui pour moi, enfin, c'est surprenant qu'elle avait joué ça parce qu'elle était complètement plate et sans intérêt dans ce film. Mais ici, elle rayonne. Elle joue dans Heure aussi. Oui, dans Heure, mais j'ai pas ça. Enfin, elle m'avait pas marqué dans Heure. Donc voilà. Et elle jouera, logiquement, Dans. elle doit jouer Janis Joplin dans le Ouais, prochain film de Jean-Marc ça a l'air Vallée. bien. Ça, ça a l'air bien. Ça donne assez envie, ouais. Et Ouais. dans le prochain Villeneuve aussi, il me Ouais. semble. Donc vraiment ici, elle rayonne. J'étais plongé dans ses yeux du début à la fin du film. Franchement, il a vraiment, enfin Burton a vraiment fait un casting assez parfait. Justement, le film est à propos de Dieu entre guillemets. Et du coup, je trouve que ses yeux sont parfaits pour le rôle. Elle délivre une performance sublime et pleine d'émotions. L'histoire du film m'a vraiment passionné et m'a énormément touché. J'étais aspiré dans le film et je ne faisais plus attention à autre chose. Alors peut-être qu'il y avait des problèmes scénaristiques, je les ai pas repérés personnellement. Il faudrait que je le voie une deuxième fois en essayant de me détacher émotionnellement de l'histoire, mais pour pouvoir les repérer, mais ça risque d'être assez dur. En plus, ce scénario est écrit par Scott Alexander et Larry Karaszewski, qui étaient aussi les auteurs des scénarios de deux de mes biopics préférés, Dude et Man on the Moon. Un énorme gage de qualité. Bon, dès qu'ils faisaient pas des biopics, c'était des plantages assurés. Donc, par exemple, je prends comme exemple les plus grosses daubes qu'ils aient fait, Cody Banks, Agent Secret et Percy Jackson. Donc voilà. Mais voilà, il reste que l'histoire du film a passionné grâce à ses dialogues d'une qualité indéniable et son final émouvant et satisfaisant. Et il reste aussi ce qui m'a le plus, encore plus que tout, c'est le traitement et la vision des conditions de la femme dans la société des années 50-60, mais aussi dans le monde de l'art, la soumission absolue qu'elles subissent face à leur mari, jugé comme tout puissant. Il y a aussi traité de l'usurpation d'identité et enfin la question du profit par rapport aux émotions ressenties lors de la création d'une œuvre d'art. Tous ces sujets et bien plus encore sont abordés et traités avec intelligence dans le film qui passe à toute vitesse. J'ai pas vu le temps passer avec ce film, donc le dernier point que je souhaite aborder, c'est la musique de Danny Elfman, pardon. Pour une fois, il a retrouvé son compositeur favori qui est plein de nostalgie. Énergie quand il le faut et chargée d'émotions au bon moment. Elle s'intègre parfaitement à l'histoire. Il y a aussi les deux chansons de Lana Del Rey qui sont pas mal. Et que j'aimais pas du tout au début. Moi qui aime beaucoup Lana Del Rey, généralement, j'avais pas aimé la chanson. Et dans le film. Dans le film, elle prend tout son sens, justement. Ouais, je trouve qu'elle s'accordait tellement bien avec la mise en scène que. Qui exprime tout le poids sur les épaules de Margaret Keane que son mari lui fait subir. On voit Margaret Keane dans le film aussi. Ouais. Enfin, là, attends, on la voit dans le film oui. La vraie. On la voit lors de la scène. Pas à la toute fin. Alors, on la voit à la toute fin parce qu'elle est citée. Alors là j'étais en train de pleurer. On la voit dans le film aussi au début. On la voit, c'est la scène où ils sont en train de. Le Paradiso, là. San Francisco, des espèces d'art, je sais pas comment s'appelle ce monument. On la voit, elle est assise sur un banc en fait, elle est derrière. D'accord, ok, je l'ai pas remarqué. Ils sont tous les trois avec la fille de Margaret. Ouais, mais la photo de fin, je vais pas vous la spoiler, mais elle est vraiment. Enfin, j'étais en train de pleurer devant le film parce que c'était tellement beau. Donc voilà, j'ai vraiment. Les chansons de Lana Del Rey, on l'a expliqué, elles sont vraiment superbes. J'adore le film, il s'agit d'un des meilleurs films que j'ai vu cette année pour l'instant. Bon, c'est quand même pas. Il y a des films que j'ai préférés, mais il est dans les trois premiers. Je vais pas encore faire de top parce qu'il y a encore beaucoup de films. On est comme voilà, c'est ça. Mais j'ai dit, c'est un des meilleurs films que j'ai vu au début de cette année, donc voilà. Je recommande vivement. Pour finir, si vous êtes tout aussi passionné par le film que moi-même et que vous voulez en voir encore plus, je vous conseille énormément le film de Monsieur Fritz Lang, La Rue Rouge, ou en version originale Scarlet Street, datant de 1947, traitant d'un sujet assez similaire, toujours en rapport avec l'art et l'usurpation, qui est une petite pépite du genre, et je vous conseille de vous jeter dessus. Moi, j'ai vraiment apprécié de le voir. Je l'avais vu 2 mois avant de voir le film, donc voilà. C'est pas une reprise de... Enfin, Big Eyes n'est pas une reprise de ce film, mais ça traite d'un sujet assez similaire, et voilà. J'ai pas vu celui-là. Donc, je le vois du coup. Voilà, Eddie, je te laisse la parole maintenant que j'ai parlé beaucoup trop. Non, t'as bien vendu le film. moi j'ai bien aimé aussi. Bon, j'y allais parce que c'était Burton et que Burton, voilà quoi, c'est. Burton m'a offert Edouard Romain d'Argent, donc je lui en serai toujours redevable. C'est un personnage que je trouve tellement. Tellement touchant et c'est un film aux thématiques tellement fortes que voilà, moi ça m'a bouleversé viscéralement. Tu me donnes envie de le revoir d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'ai pu. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment un film qui m'avait énormément plu, donc du coup j'ai suivi j'ai vu à peu près tout ce qu'il avait fait. Et moi je fais partie de ceux qui trouvent que La Planète des Singes est pas si mal si on le place pas dans la continuité de la saga La Planète des Singes en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Mis à part, il est. Il a quelque chose, je trouve. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, Big Eyes, je suis allé le voir parce que c'était Burton. Après, est-ce que je l'attendais énormément? Je pense pas, sincèrement. Parce que l'art, en fait, enfin, l'art, le cinéma, ça va, la musique, c'est moyen, et en fait, la peinture, j'y connais pas grand-chose. Ouais. Mais ça m'intéresse, je suis assez curieux du domaine artistique, c'est vrai que je voulais, ça m'intéresse globalement. Donc, je suis allé voir ce film, sans trop d'a priori, parce que je me disais quand même que c'est vrai que. Bon, je me dis, j'ai vu Boyhood, j'ai vu Boyhood, oui, mais qui n'est pas de Tim Burton. J'ai vu Ed Wood de Ouais. Tim Burton et qui était un biopic très bien fait et vraiment, vraiment très joli et puis très touchant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je suis allé voir Big Eyes. Et j'ai bien aimé le film. Parce que bah, moi aussi, j'espère toujours que Tim Burton va renaître un peu de ses cendres. Ben là, il a, pour moi, Il enfin, commence, ouais, ouais. il commence Il est bien là. sur la bonne voie depuis Frankenweenie. Et franchement, j'espère qu'il va poursuivre là-dedans parce que merde, quoi, c'est Tim Burton et il faut qu'il poursuive là-dedans. C'est pas un arnaqueur comme certains le prétendent et tout. C'est du flan. Enfin, c'est pas. Voilà, c'est faut arrêter. Tim Burton, il a son univers à lui. Pour moi, c'est un poète visuel et macabre, mais c'est beau. Moi, je trouve ça super beau. Et ici, bah, du coup, il fait un petit peu ce que tout le monde lui demande de faire depuis des années, c'est bah, changer de style. Ce que tout le monde lui reproche. Et quand on voit que Big Eyes est un film de commande à la base, Ouais, c'est ça, c'est assez étonnant. et bah, il en fait quelque chose de finalement pas mal du tout. Très personnel. Voilà, assez personnel. Et après, c'est peut-être un film quand même qui, pour moi, manque un peu d'ambition. Parce que on n'a pas forcément de vrai discours, je trouve, sur l'art en général et tout ça. On fait qu'effleurer en fait. Et après, c'est question d'interprétation. Je pense que t'es plutôt parti là-dedans en fait. Ouais, je suis parti plus dans l'interprétation que dans Alors vraiment. que moi, j'ai essayé de prendre le film vraiment au premier degré parce que du coup, je suis devenu assez exigeant aussi avec Tim Burton. Un petit peu le problème. Mais du coup, ouais, je pense que si on le prend vraiment au premier degré, il n'y a pas énormément de discours et d'ambition. C'est ce qui est un peu problématique. Par contre, ce qui me plaît, c'est la sobriété dans ce film-là. Par exemple, bon, je vais spoiler un peu, mais dans la bande-annonce, on nous vend la scène avec où Margaret Keane est un peu pas en proie à la folie, mais psychote un peu. Ouais, où il y a une scène burtonienne dans. Voilà. Enfin, il y Et en on a nous deux, mais. présente cette scène burtonienne là, pardon, c'est pas facile à dire, où elle voit les gens qui l'entourent avec des gros yeux. Ouais, si vous avez vu de la bande-annonce, vous savez de quoi on parle, donc. Voilà, et cette scène-là, c'est la seule du film. Attends, non, il Donc, y en a deux. ah bon? Quand elle se voit dans les miroirs. Ouais, ou quand ça... ouais, bon, alors Ouais. deux scènes comparées à... Voilà, Oui, c'est quelques secondes, d'accord. c'est ça, donc c'est rien, quoi, c'est... Voilà. Bah, c'est comme Ed Wood, hein, était pas burtonien Non, en finalement, lui-même. oui. Mais je trouve que c'est bien... Et en fait, là, c'est bien amené, ça. Ces Ouais. deux petites scènes-là sont bien Ouais, ils sont amenées. très bien amenés. Parce qu'elles traduisent vraiment une émotion et un ressenti sur l'instant. Donc c'est ça qui m'a plu en fait, c'est toute cette sobriété qu'il y a autour des personnages, même si c'est des personnages qui finalement demeurent très forts. Margaret Keane, jouée par Amy Adams, qui est une actrice que ben, finalement je me rends compte que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a vraiment fait passer beaucoup d'émotions. Elle a des yeux immenses. Elle a des yeux immenses. Elle est J'étais plongé dedans pendant tout oui, le c'est film. ça. Et bah, elle a des yeux magnifiques, hein, d'ailleurs. Elle a beaux yeux Ouais. bleus. Et c'est vrai que et elle se trouve que ça transparaît complètement, quoi. Et c'est ce qui est très fort dans son jeu. Ensuite, en termes de réalisation, on voit des choses que Burton ne présente pas d'habitude. C'est vrai qu'il y a des Il y a des, ben, y a des plans comme ça, des petits plans séquences où ils filment la ville. D'ailleurs, ça m'a vraiment donné envie d'aller à San Francisco, ce film. Ouais, on voit le Golden Gate, on voit le monument dont je n'ai plus le nom. Il me semble que c'est le Paradiso. Je suis pas un pro de la géographie de San Francisco. Il montre tout ça, il montre les petits bars. Il y a quelque chose de très. Il montre la belle époque, quoi. Et moi, j'aime bien en fait me rappeler on a quand même eu des belles époques avant de vivre la merde qu'on vit aujourd'hui. Et il montre ça et ça fait tout le temps plaisir. Moi, ça m'a plu. C'est un ressenti très personnel hein, que j'ai. Hein. Mais après, voilà, si je vais parler plutôt du film. C'est vrai qu'en termes de mise en scène, il présente des choses qu'on voit rarement chez Burton. Un film beaucoup plus terre à terre, en fait. Mais ça fait du bien aussi de le voir revenir à ça. Et puis après, évidemment, il y a quand même toute la partie avec les tableaux qui apportent ce côté un peu fantasmagorique propre à Burton. Mm-hmm. Ses grands yeux, là, sur ses enfants. Il y a quelque chose de très beau, par contre, je trouve, dans le film. C'est lorsque le mari de Margaret Keane, je ne sais plus comment il s'appelle. Attends, je vais te trouver ça. Christoph Waltz. Ouais, Christoph Waltz, mais. Qui pour une occasion, pour une occasion humanitaire pour l'UNICEF, veut réaliser une toile immense avec plein d'enfants. Et cette toile, en fait, n'est pas appréciée du tout. Parce qu'en plus, c'est Margaret qui l'a peint. Et cette toile n'est pas appréciée du tout. Et je trouve que là, c'est un petit message comme ça, subtil, balancé par Burton. Mais encore, c'est ça, en fait. C'est que c'est pas volontairement mis en avant, en fait. C'est quelque chose qu'il faut voir à côté. Mmh. Et en fait, cette toile qui, avec tous ses enfants à l'horizon et tout ça, elle n'est pas appréciée. Et en fait, en gros, là, il nous dit que à quoi ça sert d'en faire trop. Dans le cinéma, du coup, parce que c'est aussi ça, hein. À quoi ça sert d'en faire trop dans le cinéma? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Je trouve que c'est un petit message comme ça qui est bien, qui est placé au bon moment. Donc voilà, il utilise le médium de l'art pour parler de l'art et des artistes. Mais pour que le film ait vraiment plus d'ampleur, je pense que voilà, il aurait fallu que son ambition de parler des artistes et de l'art comme ça et des œuvres. Il aurait fallu qu'il aille encore plus loin et que ça soit pas juste question d'interprétation, mais que ça soit vraiment un des fils conducteurs de son film. Ouais. Même si évidemment on se prend beaucoup d'affection pour Margaret Keane, qui au départ est dépeinte comme une femme assez faible, en fait, parce qu'elle est soumise à son mari, un peu naïve, et au final on se rend bien compte que elle cache une force. Et puis Amy Adams se transmet très bien tout ça. Christoph Waltz est assez génial aussi dans son jeu. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je retrouve un peu le Christoph Waltz que j'avais adoré dans le Carnage de Roman Polanski, qui est un excellent film que je conseille d'ailleurs. Un petit film qui dure 1h15 et qui est vraiment savoureux au niveau des dialogues, et c'est un film qui met par terre toutes les conventions sociales et tout. J'ai trouvé ça génial. Je l'ai retrouvé un peu dans ce registre-là, et c'est comme ça que je l'aime, moi, en fait, Christoph Waltz. Je le trouve vraiment intéressant quand il explore un peu toute la folie de qu'il peut avoir, quoi. C'est un acteur qui peut être assez barré, en fait. En fait, il peut vraiment être moi, je trouve que cet acteur est vraiment caméléon, parce que passer de Inglourious Basterds moi, je prends les films de Tarantino, surtout, en fait, Django, je trouve que c'est vraiment un super bon acteur. Moi j'apprécie vraiment son jeu. Moi aussi j'aime bien. Il peut être très nuancé, comme il peut être très exubérant. Ici il est plus dans l'exubérance, mais du coup ça va bien avec son personnage. Il traduit aussi le capitalisme, tout ça, quoi. Il y a vraiment plein de sous-textes, enfin ils sont vraiment trop cachés, à ton avis, tu penses? Enfin, je pense que c'est peut-être un petit peu trop caché, en fait. Et puis du coup, ce qui me gêne aussi, c'est que du coup, là c'est pas par rapport à Burton que ça me gêne, mais c'est que du coup, le fait que ce soit caché, on va encore cracher sur sa gueule en disant qu'il a rien à raconter et tout ça, quoi. C'est plus de ce que c'est là que ça m'emmerde, quoi. Quand on sait que c'est un vrai auteur, et je le soutiens, j'emmerde tous ceux qui pensent que c'est pas vrai, c'est dommage de voilà. En fait, c'est un peu comme s'il tendait la perche pour se faire battre, quoi, là. Ouais. C'est un petit peu ça qui me gêne, mais bon. Mais je pense que c'est un film qui peut plaire quand même. En même temps, tu sais. Enfin, d'ailleurs, depuis qu'il est sorti, je trouve que sa note bouge pas énormément, donc peut-être qu'il y a un espoir et que, ça serait bien. S'il te plaît, Tim, merde, reviens. Parce que fais le pas. Ah oui, en plus, dans ses prochains projets, il y a des trucs qui font assez peur quand même. Miss Peregrine avec Eva Green. Ça, ouais, voilà. Il y a aussi Dumbo. La version live de Dumbo, donc ça, on s'en méfie comme de la peste. Enfin, on attend de voir des images, mais j'ai pas trop d'espoir. Donc reviens à des trucs un peu plus simples, un peu plus. Dans ces projets barrés, il y a quand même Monster Apocalypse. Ouais, ça a l'air bien. ça a l'air assez farfelu. J'aimerais bien qu'il revienne à cette folie là qu'il avait dans les années 90. Voilà, donc vous avez notre avis sur Big Eyes, si vous voulez plus aller lire la critique d'Eddie qu'il a fait sur le site. I miss you more than Michael Bay missed the mark when he made Pearl Harbor. I miss you more than that movie missed the point. And that's an awful lot, girl. And now you've gone away. And all I'm trying to say is Pearl Harbor sucked. And I miss you. On est donc à la recommandation, pas très recommandable. Le mois dernier, Quentin nous avait recommandé de voir Brick Mansion. C'est ce que nous avons fait. Mais d'abord, Quentin va nous expliquer pourquoi il nous a infligé ce film et pour qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé à propos de ce film. Voilà. Donc vas-y. Eh bien, parce que c'est une bonne grosse bousasse et parce que j'adore mes chers, mes chers amis présents ici avec qui j'aime à discuter sur du César. Mais quel con. C'était pour leur faire plaisir. Je savais qu'ils apprécieraient le cadeau. Surtout Eddie. Ah, mais quel petit. C'est tout à fait son style de film. Ah oui, ah, tu me connais bien, Donc, on rappelle Brick Mansion, réalisé par Camille Delamarre, dont Morgan s'est foutu de la gueule le mois dernier. Il a raison. est sorti en 2014. C'est un remake du film français Banlieue 13, qui est aussi un classique du genre, on va dire. Le synopsis, on va quand même le rappeler, parce qu'il est quand même important. Non mais oui, un synopsis. Détroit 2018, Damien est policier. Il a pour mission d'infiltrer le ghetto de Brick Mansions pour y retrouver une arme de destruction massive dérobée par des gangsters. Il est guidé par Lino, un habitant qui connaît les lieux par cœur. Voilà. Donc, on va rappeler aussi que le scénario est par Luc Besson, un très cher ami du podcast Movies Nerd, qu'on apprécie tous. Et du coup, ben, j'aimerais bien... Surtout pour Lucie, hein, faut préciser. Donc, ouais, dans le film, on va quand même rappeler les acteurs rapidement. Paul Walker, David Bell, RZA et Carlo Rota. Voilà, on va pas en dire plus. Hein. RZA. Ouais, RZA, c'est un rappeur américain. Donc, je ne connaissais pas. Et du coup, le nom m'a fait tilt et je me dis, d'accord, donc t'as un mec à trois lettres quand même dans le casting. Déjà, tu te dis, bon, ça pue. Ça sent pas bon. Hein. Ouais, donc voilà, c'est lui qui joue le grand méchant Tremaine Alexander. Voilà. Donc, Eddie, vas-y, je t'en prie, si tu veux nous dévoiler un peu ce que t'as pensé du film. Ce fut une expérience douloureuse et je suis toujours en thérapie. Ouais. Moi, je recouvre mes blessures d'avoir sauté par la fenêtre. C'est ça. C'est ça. En fait, je caresse frénétiquement mon chat pour me soulager. Non. Il pense à ma tête sur un pic. C'est ça. Et je fais comme Geoffrey dans Game of Thrones, je t'oblige à faire. Voilà. Enfin, non, mais non, tu peux pas parce que ta tête est sur une pique. Enfin, après, c'est pas normal, excuse. Bah non. Oui, bah non. Donc, j'ai pris des notes, en fait, ouais. Juste avant le podcast. J'ai noté néant scénaristique. Mm-hmm. et en fait, je pense que ces deux mots résument assez bien l'histoire de ce film. Parce que, en gros, Paul Walker, qui joue toujours le mec qui se fait, le flic qui s'infiltre quelque part, en fait. Hein, parce qu'il fait aussi ça dans Fast and Furious au début. Donc c'est Monsieur Infiltration un peu. Mm-hmm. Et du coup là il s'infiltre dans un gang. Attends, si j'ai bien tout suivi, parce qu'en fait bon, j'ai regardé le film mais je faisais pas mal de trucs en même temps parce que j'ai quand même une vie plus intéressante que ce film. T'as pas regardé le film avec attention? Attends, j'ai arrêté tout. T'aurais pu rater des choses quand même. Non, attends, je l'ai regardé en mangeant, donc déjà j'aurais pu vomir en même temps. Je l'ai pas fait. Mais en fait non. Ouais, donc il s'infiltre comme ça dans un gang pour libérer un truc, enfin pour aller désarmer une arme, voilà. Ouais. L'arme, une grosse arme qui était destinée en fait, parce que le monde est séparé en deux. Et en fait, Luc Besson, il aime bien les comparaisons comme ça, parce que vu qu'on est trop cons, nous en tant que spectateurs, faut bien préciser que la banlieue, ben c'est pas bien, c'est pas beau, ça pue, et que dedans il y a que des méchants. Donc voilà, donc ça c'est très caricatural déjà. Puis après, bah voilà quoi, ces gros films d'action américains qui servent à rien. Ces grosses mises en scène avec des super ralentis, pire que Oh ceux putain. de Paul Walker dans, Les que ralentis de baston sont tellement moisis. Oh, mais je souffrais à Ben, chaque fois que je ils les sont voyais. pires que ceux de Resident Evil Ouais, Retribution. voilà. Si vous voulez un exemple dans Voilà. le pathétique, ça C'est sera ça. incroyable. En sachant que moi, en sachant que les Resident Evil font partie de mes plaisirs coupables, hein, quand même. Hein. Regarde, il Moi. adore. Voilà, Morgane aime bien. Ouais. Donc, bah, les thématiques, hein, je l'ai dit, c'est très concon. Et puis le casting, hein? Oh, Ce mais quel beau magnifique casting. casting avec bah, Avec Paul des acteurs Walker. professionnels hein, qui. Paul Walker qui est malheureusement décédé, ça c'est un peu plus triste parce que bon, c'était quelqu'un en somme toute assez sympathique. Mais je suis sûr qu'il est content d'avoir ce film sur sa. Mais le pauvre quoi, et c'est surtout qu'à la fin il y a un hommage à Paul Walker en plus. Donc bah c'est un peu dégueulasse quoi. Enfin c'est carrément, enfin c'est salir la mémoire quoi. Enfin moi il y a un truc qui me gêne quoi. C'est pas propre, c'est malsain de faire ça. Donc non, c'est pathétique quoi. Je sais même pas quoi dire dessus et je savais même pas par où commencer ma critique parce que j'ai quand même écrit une critique dessus qui finalement est longue. Je Mais t'imagine en train de lire. sur mon PC et j'étais là mais je me dis mais putain mais qu'est-ce que je En vais fait, écrire là-dessus? d'abord il a marqué 150 lignes, je hais Quentin, je hais Quentin, et après il a tout Ouais, effacé, il a fait une c'est ça. Mais j'ai critique. rayé les 150 lignes parce que c'était pas très constructif. Et si, un truc qui m'énervait, c'est la musique. Parce que la musique, c'est des gros trucs comme ça tout le temps. Voilà. Moi, je peux pas, quoi. C'est typiquement le genre de film. En fait, ça m'énerve parce que on donne de l'argent à ça. Et c'est ce qui m'énerve dans ce genre Alors de film, c'est exactement, que. quand même, on va rappeler 28 millions de dollars. Voilà. Et c'est ce qui me gêne parce que. Bah, en fait, on produit ce genre de film et du coup, on malmène énormément le cinéma, en fait, au final. C'est ce genre de film-là qui nous rappelle ça, que l'on malmène le cinéma, qui est quand même un art qui permet autre chose que ça. Donc voilà, Voilà. bah, non, c'était une grosse merde, Ouais. vraiment. Donc moi, C'est ça. j'ai fait des notes, on va dire, en plein milieu du film. Enfin, pendant que je regardais le film, j'avais mon petit crayon, mon petit papier. Je mettais des pauses et j'écoutais les dialogues. Donc j'ai noté quand même quelques trucs assez marrants. Donc déjà, le film, c'est vraiment la formule Besson, classique. C'est des voitures, un gang, une fille capturée et des batailles avec des gros costauds. Voilà. Et il y en a une grosse bataille à la fin avec un plus gros costaud. Voilà, comme si c'était un jeu vidéo, un genre de boss final. Les plans séquences de début du générique où on vole entre les merguez, Inaritu doit être jaloux, à mon avis. Parce que là. Attends, Birdman à côté, c'est rien. Non, attends, ceux qui connaissent le vrai cinéma, ils préfèrent Brick Mansions. En plus, ça commence par un B, pareil. Non, mais c'est. Attends. Comment tu rapproches ça? Ça commence par un B. C'est tout ce qu'il y Bah, a, tu tout ce qu'il y a sais, en en même commun. temps, Hein. vu le niveau du film, c'est pas la peine d'avoir des arguments de qualité non plus. Ouais. Donc la caméra, le montage est complètement épileptique, c'est impossible à suivre durant les combats surtout. Les ralentis des bastons sont moisis. Ah, c'est tellement pas lisible, La musique m'a donné mal au crâne pendant tout le film. En plus, ils la mettent mais n'importe comment, n'importe quand. Enfin, en plus, c'est de la dubstep, donc bon, C'est ça. Ah. je vais pas dire que, enfin, j'aime pas la dubstep, mais je veux pas dire que les gens qui aiment la dubstep, ils Il sont, y a la deux steps dans la vie d'Adèle. oui, Mais voilà, c'est pas adapté à tout, en voilà, fait, la c'est ça, dubstep. Hein? La dubstep, c'est bien pour te voilà, défouler. donc là, par contre, c'est pas super, C'était la précision de Quentin. Là, c'est de l'agression auditive. Il y a de la dubstep dans la vie d'Adèle. Attends, je suis en train de rechercher. Vas-y, je t'en Bah prie. ouais, vas-y. Le méchant est cuisinier. Voilà. Comme d'hab. Je me rappelle aussi de la guillotine. En fait, quand le mec est dans une prison et il rencontre son père ou je sais plus qui est militaire. Et il le prend entre ses genoux et il lui fait Ah oui, une guillotine sur les barreaux. Et là, j'ai halluciné. Alors, parce que ça coupe sur un noir, on sait pas ce qui s'est passé, mais on imagine que voilà. Ah oui. Donc ça c'était un plan magnifique dont je me souviendrai toute ma vie. Le chef-op est très subtil, parce que la lumière rouge au-dessus du bureau des méchants, ça c'est Parce que les méchants sont très méchants. Voilà, donc en plus tout autour de son grand, enfin dans son grand entrepôt, tu sais, où il a pas vraiment d'argent, mais en fait il a 300 bagnoles dans son garage qui C'est ça. valent plus que tout, enfin tout ce qu'il a. Et attends, et sa Ford Mustang, c'est son bébé, hein. Ouais, alors j'ai noté sa super phrase: je suis pas matérialiste, mais cette Mustang je l'aime comme j'aime cuisiner. Alors, je sais pas ce qu'il veut dire par là, mais En fait, voilà. ils ont, enfin, non, ils ont même pas engagé les anges de la télé-réalité pour faire les dialogues du film parce que Ouais. matérialistes, ils savent pas ce que ça veut dire les anges. Ouais. Donc, oui, ça, Donc. oui, c'est vrai que cette phrase montre quand même bien le niveau Ouais. de débilité du truc. Ouais. Donc, concernant les magnifiques doublages français, parce qu'il fallait que j'en parle quand même, parce que on aime la VF ici, Ah oui. surtout quand c'est fait par la même personne. Franchement, non, Oui, j'avais oui. vraiment l'impression que c'était les mêmes voix. Alors, pourtant, là, je suis en train de voir sur Wikipédia que c'est pas les mêmes personnes qui ont fait les voix. Donc, je ne comprends pas comment c'est possible que deux personnes puissent enfin, avoir le même ton de voix exactement en Même même temps. timbre, ouais. Donc, voilà. En plus, les accents de doublage sont complètement racistes, genre les hispaniques, les asiatiques, tout le monde y passe. C'est ça. Paul Walker se faisant passer pour un prisonnier en habit civil aussi, ça c'est excellent. La bataille entre Paul Walker et le prisonnier pour prendre le van alors que finalement ils rentrent tous les deux dedans. Voilà, encore une scène inutile. Le Brick Mansion qui est censé être ultra protégé par tous les flics, et ben tu peux rentrer en défonçant une petite porte en bois. L'image de la femme du film, alors là on parlait des femmes fortes avec Divergente, ici c'est pas du tout la même chose, c'est pour exciter un peu les adolescents prépubères, Ouais, et donc c'est encore. encore hein, parce que là, enfin franchement, c'est plus subtil, tu peux pas, Ah, t'en as quand c'est. même une qui est sadomasochiste et qui aime Ouais, faire mal aux autres, voilà, hein. donc c'est vraiment très. Enfin, je suis sûr que les féministes adorent ce film. C'est caricatural, quoi. Donc j'ai encore quelques exemples de phrases. J'ai encore un exemple de phrase que le personnage, le méchant, le RZA, a prononcé. Donc en fait, les deux protagonistes sont dans une salle où ils sont ligotés et le méchant dit: si vous faites quelque chose, le bourreau vous tue. Et à 2 mètres de lui, il y a le bourreau qui lui demande s'il peut les tuer. Et le méchant lui répond: si tu les tues, tu meurs. Donc. Voilà, c'est la logique du film. What Donc là j'étais complètement plié. Enfin, j'ai dû mettre pause, j'ai dû retourner en arrière pour vérifier si c'était bien ce qu'il avait dit. Et il avait bien dit ça. Donc voilà, j'ai juste halluciné. Et donc je me suis bien marré pendant le film quand même, parce que je savais ce que j'allais voir. Je suis pas complètement Oui, bah, je nuit. pense qu'on s'attend Donc tous à ce qu'on va voir, hein, de toute j'ai quand façon. même bien souffert en regardant le film, même si Ouais. il durait 90 minutes, Putain, mais moi j'en étais à c'était. 40 minutes et je me dis putain, j'en suis à 40 minutes. Et j'en peux plus, ça pète dans tous les sens, Ouais, ça mais n'a pas de c'était sens, ça, c'est. ça donnait mal au crâne, enfin Non, voilà. j'ai pas eu mal au crâne, mais quand même. Avec la musique, moi j'ai assez, enfin voilà. Donc j'en ai vu quand même des films qui sont pires que ça, mais ils se placent quand même assez haut dans mon Ah top. oui, il est Voilà. bien dans le top du nanar quand même. Ouais. Hein. Enfin, c'est même pas du nanar, c'est du navet. Parce qu'un nanar, c'est sympathique. Ouais, c'est un navet, voilà. Donc, on remercie bien Quentin de nous l'avoir Et puis à la fin conseillé. du film, Et eh ben de les rien. méchants sont pas si méchants que ça. Parce Ouais. que finalement, c'est les gentils qui sont méchants. Voilà. Paye ta Donc. subtilité. Merci, Luc. Ouais. Oui, c'est vrai, le message de fin. Oh putain. Et en Ouais. fait, il est pas si con que ça, mais il est tellement mal amené, mal. C'est un emmerde, hein, quand même, hein. Enfin, voilà. Donc. On a spoilé le film, je pense que vous ne nous en voulez pas. Ouf alors. Franchement, non mais franchement, putain, si vous avez un peu de, hein, si vous avez quelques valeurs et un peu d'amour, amour propre, regardez pas ça, quoi. Ou alors, Voir des trucs qui si vous valent le l'avez coup. vu, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Donc Je sais que je suis voilà. peut-être mal placé à faire des éloges des Disney, mais quand même, merde. Sans déconner. Non, mais attends, il y a plus de subtilité dans. Même dans les plus vieux Disney que ça, donc Mais non, il y a une recherche. Enfin, non, c'est même, non, voilà. c'est pas bien ce que je viens de dire. Parce que les Disney, y a quelque chose. Il y a vraiment un truc. C'est pas bien. Puis j'adore Disney. Je vais pas critiquer Disney. Je vais pas renier mon amour pour Disney. Mais n'allez pas voir des trucs comme Brick Mansions. Allez voir, je sais pas. Allez voir du Paul W.S. Anderson à la limite. Oh non. Si, à la limite, Ouais, c'est plus fun, c'est Ouais, plus. enfin, ouais, bon. Il fait de la merde, mais il le fait bien, lui. C'est Lui, plus la il est dans guitare l'histoire. Intel. La Oui, guitare en Intel, plus. Et donc, en gladiateur, donc ça n'a pas de prix. voilà. Merci Quentin Bref. pour cet immense plaisir d'avoir vu ce film. Donc maintenant c'est à nous de souffrir de nouveau, enfin à moi, Quentin et Morgane aussi à de souffrir, puisque Eddie nous a va nous Morgan, il proposer. souffre déjà. Donc ouais, mais là il va souffrir encore plus. Le pauvre. Eddie va donc l'achever. Eddie va nous proposer un film à voir pour le mois prochain. Donc vas-y, je t'en prie, c'est à toi. Roman Tambour. Donc, dans mon sens critique, vous ne l'avez pas vu. Moi, je vous ai, enfin, je vous ai dans mes éclaireurs et je n'ai pas D'accord. vos notes sur ce film. Donc, Morgan l'a vu sur notre groupe. Morgan Koch. Il n'a pas aimé non plus, d'ailleurs. Donc, c'est un film sorti en 2009. Qui se passe au Moyen Âge. C'est avec Nicolas Cage. Ça dure 1h53. Si, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Il est noté 3,6 sur Sens Critique. Ouais. Et c'est le dernier des Templiers. Ouais, oh, putain, un film de Nicolas Cage. Voilà. Ok. Ah, Ouais, je l'ai pas vu. moi non plus. Vous l'avez pas vu. Bon, parce que Donc, si c'était pas ça, sinon c'était Jack et Julie avec Adam Sandberg. Ah, ça aurait d'accord. été Donc, drôle. Non, même pas. ça, je l'ai pas vu non plus. Donc, Bon, bah, d'accord. Voilà. Mais de toute façon, j'avais toujours un bon vieux film français de merde à vous refourguer, donc. Oh là là. Bon, bah, on va se faire un plaisir de voir le dernier Templier en VF ou en VO? Oh, pff, non, pff, alors. Non. Où est-ce que vous voulez? Où Tu est-ce l'as que vous vu en voulez? quoi? Oui. Tu l'as vu en quoi? Moi, je l'ai vu en VF, Bon, bah mais alors il y a très longtemps, hein. D'accord, bon. Je Et pense avoir fait. j'en garde un excellent Souvenir. souvenir. D'accord. Non, mais Allez. Non, mais de toute je. façon, dès qu'il y a Nicolas Cage, ça peut pas être mauvais, c'est. On peut pas dire qu'il va. Voilà. Il a fait Nicolas des bons Cage, trucs. Ouais, il est. Oui. non, mais Il a. il y a toujours le quotient Nicolas Cage qui fait que le film n'est pas Non, mais la pire autrefois, merde du monde. il a quand même une carrière avant Nicolas Cage. Aujourd'hui, Bah oui. c'est. Voilà quoi. C'est avec Nicolas Cage, Ron Perlman et il y a même Christopher Lee dedans. Waouh. Oh, le pauvre. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Ouais, je sais pas. Saruman. Bah, c'était Ouais, c'était c'était son Saruman. année parce qu'en plus c'était en 2009. Ouais, bah Alice au pays des merveilles en plus, donc c'était son Non, c'est en année. 2000. C'est en 2010, allez se Ah pénérer. ouais, bon Enfin, voilà. il est 2009, mais il est sorti le 12 janvier 2011. Et ça dure 1h53, donc bon courage. Oh, ah, ok, d'accord. C'est encore plus long donc, ouais. Bon bah voilà. Ouais, j'ai été plus gentil que ça. Hein. Ah, mais j'avais dit que je me vengerais, je me suis vengé. Bah ouais. Et Hein. puis le mois prochain, ce sera à Morgane de se venger. Donc voilà. Mais je pense qu'on va souffrir aussi. Connaissant les goûts de Morgane. Ok. Bon, ben voilà, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour ce film. On est donc à la fin de ce numéro 14 du podcast Musinaire. J'espère que vous avez apprécié l'écoute de celui-ci. Nous, on a pris plaisir à le faire. Donc, avant de vous quitter, on va quand même vous redonner quelques petites informations où nous retrouver. Donc, pour toutes les critiques et tous les podcasts, c'est sur. Il n'y a qu'une adresse, donc c'est Musinaire.net. Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est sur Twitter, c'est Movies. Underscore nerd sur Facebook c'est Movies Nerd aussi et sur Google Plus c'est pareil. Vous pouvez retrouver tous les épisodes. Je m'étais trompé le mois dernier. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur iTunes et sur PodCloud en streaming et en téléchargement. Le dernier épisode est comme d'habitude sur SoundCloud et on vous invite aussi à aller faire un petit tour sur Cinémaniaque puisqu'il n'est pas là pour promouvoir son blog cinéma. Donc Morgane, on te fait un coucou et allez voir ses critiques sur son blog. Voilà, donc sinon, Quentin, dis-nous, est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Comme toujours sur Sens Critique et Twitter, et puis sur nos visières. Ok. Eddie? Pareil, comme Quentin, Movies Nerd, Sens Critique, Twitter, et puis sur la page Facebook aussi. Ouais. D'accord, et pour moi c'est sur Twitter c'est TheLexal et sur Sens Critique c'est sur TheLexal aussi. Donc voilà, si vous voulez voir tous les films que je regarde tous les pendant le mois, si vous voulez en parler, c'est sur Sens Critique. Voilà, donc merci encore d'avoir écouté, merci d'avoir participé, dit Quentin. Même De si rien. Quentin n'était pas là pendant le vidéoclub et le film du mois. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas fait son travail? Mais voilà, on t'en veut pas. Donc voilà, on vous souhaite un bon mois et on se donne rendez-vous le mois prochain. Et d'ici là, allez au cinéma. Salut! Salut! Salut! Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun.